Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Espionnage pendant la guerre froide. L'affrontement Est-Ouest a-t-il favorisé les espions? D'ailleurs, quelle différence entre un espion et un agent secret? Et puis, qui sont-ils? Qui sont-elles? Où sont-ils? Où sont-elles? Ils sont partout, KGB, CIA, Mossad. Ils sont surtout très présents dans notre imaginaire, car la guerre était froide, mais les espions étaient chauds. Gérald Arbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du renseignement, historien de l'espionnage. Et justement, au moment d'évoquer la guerre froide, sommes-nous au moment particulier où l'espionnage prend une ampleur sidérante, telle que nous pouvons l'imaginer, ou bien est-ce dans une continuité de l'action des États pour obtenir des renseignements? L'espionnage, non. L'espionnage, de toute manière, il a été, pour ce qui est de la France, juridicialisé en 1886, et puis ensuite on a adapté les lois. Mais sinon, le renseignement, c'est une activité qui est aussi vieille que le monde. On dit que c'est le deuxième plus vieux métier du monde. Et moi, je rajoute généralement que si le feu s'est diffusé, c'est bien parce qu'il y en a un qui l'a su et qu'on est allé le chercher et on lui a volé. C'est ça, c'est-à-dire il faut bien comprendre ce que signifie espionnage. Le mot d'un seul coup évoque chez nous beaucoup de choses. C'est simplement aller chercher de l'information, diffuser de l'information. À la base, c'est juste cela. Hein. C'est toujours ça. Oui, c'est ça, c'est aller chercher de l'information. Mais alors, dans cette réflexion autour de l'espionnage, il y a peut-être des définitions à bien préciser. Parce que nous parlons d'agents secrets, nous parlons d'espions. Est-ce que tout cela est synonyme? Pour les médias, oui. Déjà, l'agent secret, c'est une hérésie dans le sens où on sait très bien où vivent les espions ou les agents secrets. C'est pour ça qu'on les appelle les officiers de renseignement, plutôt. L'espion, en fait, c'est un officier de renseignement qui s'est fait attraper par la partie adverse et qui est passé en justice. Parce que la dénomination d'espion est une qualification juridique. Après, effectivement, on a, dès le début du XXe siècle, parlé de romans d'espionnage pour régénérer les romans de gare, les romans policiers. Mais le terme d'espion n'est pas le terme adéquat. Oui, c'est ça. Il faut bien faire attention au vocabulaire employé. Espion, c'est pas bien quand l'on est un agent secret, parce que ça veut dire qu'on a loupé sa mission. Avec nous également dans le cours de l'histoire sur France Culture, Pauline Blisten. Bonjour. Bonjour. Et justement, au moment de parler de la guerre froide, qu'a de particulier cette période après la Seconde Guerre mondiale dans l'imaginaire associé aux espions? Parce que nous avons plein d'espions dans l'histoire, mais nous sentons bien qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. Il y a à la fois pléthore de romans et de romanciers d'espionnage qui commencent à faire jour, notamment en Angleterre. Alors les noms, vous les connaissez, hein, John le Carré. En France, c'est peut-être un peu moins glorieux, puisque au moment de John le Carré, les Français lisent plutôt Gérard de Villiers, qui est donc la version, comme le disait Gérald Arbois, plus roman de gare. Mais ce qui est intéressant, en fait, pendant la période de la guerre froide, c'est que finalement, la fiction devient le moyen privilégié pour les personnes qui sont exclues du monde du secret, donc les citoyens ordinaires, de s'approprier ce monde qui leur est interdit. Et c'est aussi ce que l'on voit aujourd'hui, où la demande d'information sur les activités secrètes des États est de plus en plus importante. La fiction continue de tenir vraiment une place très très très importante dans la façon dont les citoyens se figurent ce monde du secret. Oui, parce que le mot tombe, celui du secret. Mais c'est normal que ce soit secret, Gérald Arbois. Non, mais là, aujourd'hui, on est entré dans une ère de transparence. Et on est également entré dans une ère de communication. Donc les services, aujourd'hui, s'approprient la fiction pour pouvoir communiquer. Et quand un service communique, c'est comme pour toutes les entreprises classiques, c'est à des fins de recrutement. Oui, c'est ça. Il y a un intérêt derrière, un intérêt d'image et puis un intérêt d'effectif de personnel. Pauline Blisten. Je pense qu'il faut relativiser le côté présentiste en fait de la question de la communication, puisque toute l'histoire de la CIA, c'est d'abord et avant tout une grande histoire de la communication et une grande opération de communication qui s'est construite notamment sur les anciens de l'OSS qui sont allés à Hollywood, qui ont fait du lobbying auprès de scénaristes et de réalisateurs de Hollywood sous l'égide notamment de Donovan, qui était ce grand espion qui avait fait ses armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, cette question de la communication s'est imposée notamment aux États-Unis comme l'un des enjeux principaux des agences de renseignement. Alors c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus récent, et quand on pense à la communication par la fiction, on pense évidemment au Bureau des légendes. Mais en Angleterre aussi, en Angleterre, il faut quand même se rappeler que finalement, la fiction a toujours comblé ce vide d'information jusque dans les années 80, qui correspond en fait à la date où les services de renseignement anglais ont été reconnus officiellement par le gouvernement anglais. Donc il est vrai qu'il y a à la fois l'utilisation stratégique de la communication pour essayer de faire valoir une certaine image des espions, mais il y a aussi le fait de laisser faire, le fait de laisser écrire tous ces anciens espions passés à l'écriture, puisque cela permettait aussi de justement ne pas communiquer ou ne pas dire ce que l'on faisait et de s'abriter derrière la fiction comme un écran de fumée. Pauline Blisten, vous venez de dire que les services secrets britanniques ont été reconnus officiellement quand ? Au milieu des années 80. C'est extrêmement tard. Exactement. Et les gens ne savaient pas avant, mais si. C'est ce qu'on appelle un secret de Polichinelle. La première fois que le gouvernement fait mention du MI6 dans un document officiel, c'est 1984. Et la première fois que le nom de la directrice du MI5 est communiqué publiquement, c'est Dame Stella Remington en 1992. Et le premier rapport de ces services de renseignement paraît en 1994. Ça ne veut pas dire que les Britanniques n'avaient pas connaissance de l'existence de ces activités secrètes. Ça veut simplement dire que ces activités secrètes n'étaient pas reconnues officiellement. Eh bien, justement, tout le monde le connaissait, ce réseau de renseignement britannique. James Bond, évidemment, mais c'est très étonnant d'ailleurs, Gérald Harbois, cette construction en fait complètement fictive de dire ces services de renseignement britanniques n'existent pas, quand dans le même moment, nous avons déjà évoqué la CIA, nous pouvons parler du KGB, d'autres services sont extrêmement structurés. Est-ce une particularité de la guerre froide d'ailleurs d'avoir des services très structurés ? Non, c'est une prérogative de l'histoire du renseignement. C'est-à-dire que la France et la Grande-Bretagne se sont dotés de services de renseignement dès la fin du 19e siècle. Les États-Unis vont se doter d'un service de renseignement de guerre froide. Et là, on est dans une politique de communication parce qu'il faut faire comprendre aux politiques américains qu'on ne crée pas une nouvelle Gestapo, mais qu'on crée un outil qui est au service de la liberté. On a les arguments qu'on peut. Et en Grande-Bretagne, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'appareil de renseignement est apparu comme vermoulu dans les années 60, avec la révélation de nombreuses affaires d'espionnage, et puis toutes celles dont on n'a pas parlé. Et donc, il fallait se rattacher à quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on a mis James Bond en avant. C'est pour ça qu'on a mis plus tardivement John le Carré. C'est pour faire un contre-feu, pour montrer, vous avez vu qu'on est bien, et l'événement médiatique le plus important, c'est James Bond qui saute avec la reine pour lancer les Jeux Olympiques de Londres. Oui, parce que là, l'image est essentielle. C'est vrai que dès qu'il est question d'espion, James Bond arrive tout de suite. Hein, là, tac, c'est la réponse immédiate. Mais il y a ces agences qui sont aussi extrêmement connues de nous tous, du public, la CIA, le KGB. Écoutez cette archive très intéressante. Ce sont les 50 ans du KGB en 1967. L'Union soviétique aura produit cette année un peu plus de 100 millions de tonnes d'acier. 21 brigades de travailleurs des aciéries de l'Oural seront décorées pour la circonstance. Toujours à Moscou, le contre-espionnage soviétique, le KGB, fête, sans discrétion particulière, son 50e anniversaire. Il y a eu d'abord hier soir une grande réception, et puis 37 films qui retracent les activités du KGB dans ses moindres détails, paraît-il, sont projetés dans 30 salles de cinéma de Moscou. Ah bah voyez, il y avait du film, c'est intéressant ça, Pauline Blisten, c'est-à-dire que la propagande est liée même à la nature de alors l'espionnage du renseignement, hein, en Russie aussi, enfin en URSS. Oui, tout à fait. Et cette utilisation de la fiction pour faire valoir et mettre en avant certaines valeurs hein, qui représenteraient l'espion, la loyauté, le courage, est évidemment une utilisation qui est faite de façon universelle. Le KGB avait même un prix littéraire qu'il décernait aux œuvres qui étaient considérées comme les plus représentatives de l'action du renseignement. Il semblerait que le FSB fasse la même chose aujourd'hui. C'est l'évolution contemporaine. Russe, il semblerait que les Français se mettent à faire à peu près la même chose, puisque l'Académie du renseignement décerne tous les ans, depuis 3 ans, un prix de l'Académie du renseignement. L'Académie du renseignement, c'est, pour le dire très rapidement, l'école des espions. Et donc ce prix du renseignement fait valoir des œuvres qui sont considérées comme étant les plus représentatives des activités de renseignement. Il y a une sous-catégorie fiction. Ah oui, bah voilà, c'est un objectif évident, ce lien fiction-renseignement. Pauline Blisten, vous êtes docteur en philosophie. Votre thèse, voir et faire voir le secret d'État, fonction et enjeu de la fiction d'espionnage contemporaine, bah, primée par l'Académie du renseignement. Bah voilà, le KGB peut-être un jour, le prix du KGB. Écoutez, je vous le souhaite. Mais dites-moi, Gérald Arbois, dans l'archive que nous avons entendue en 1967, les 50 ans du KGB. Mais non, on regarde la chronologie, le KGB est fondé en 1954. C'est intéressant qu'en fait, toutes les structures antérieures au KGB sont assimilées. Je pense notamment à la Tchéka, mise en place en 1917. Ah bah oui, là on tombe bien sur les 50 ans. Et il y a une vraie continuité hein, du point de vue de l'URSS sur ses services de renseignement. Oui, mais la Tchéka prenait appui sur l'Okhrana qui avait été constitué dans les années 1880. Donc on voit qu'on a une continuité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire soviétique, enfin dans l'imaginaire des KGBistes, le fait d'être un tchéquiste, c'est-à-dire d'avoir été membre des services de renseignement avant la création du KGB, était un titre de gloire. Ouais, titre de gloire d'avoir une longue carrière, bien sûr, dans ces services de renseignement, mais la Seconde Guerre mondiale est un élément essentiel dans la structure de ces services même, c'est-à-dire que, et vous l'avez légèrement évoqué, mais je voudrais que vous précisiez, Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y a des services de renseignement dans un contexte de guerre. Après-guerre, comment cela se structure, notamment dans les pays occidentaux? Il y a une mise à plat? Il n'y a pas une mise à plat, c'est-à-dire que les grands pays, à savoir la France, la Grande-Bretagne, mais également l'Italie et l'Espagne, ont leurs services de renseignement. L'Allemagne, pour cause de dénazification, voit son service complètement annihilé. On récupère simplement la partie anticommuniste parce que on est dans une guerre qui est une guerre idéologique. C'est pour ça qu'elle reste froide. Mais après, ce qui va se passer, dans les années 50 jusque dans les années 60, on va voir les petits pays qui avaient des services de renseignement intérieurs se doter d'un service de renseignement extérieur pour pouvoir travailler dans les structures OTAN et notamment pour pouvoir participer au réseau Stay Behind. C'est quoi ce réseau ? Le réseau Stay Behind, contrairement à ce qui a été dit et à ce que la propagande soviétique qui était au courant a diffusé, ça n'est pas des services terroristes, C'est simplement un réseau dormant qui devait prendre ses fonctions au moment de l'invasion soviétique. Et ce réseau dormant se limitait à 3 personnes. Le chef de réseau, le radio et quelqu'un qui pourrait recruter les membres de la future résistance. On est en plein dans le retour d'expérience de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que on débat maintenant pour savoir s'il y avait une résistance en 40, en 41, en 42 ou en 43 et si elle a été efficace. En fait, les planificateurs qui étaient à Londres ont essayé de trouver un contact avec ces réseaux de résistance et ils n'ont eu réellement de contact, soit par agents qui avaient été parachutés, soit par des postes de radio qu'on avait réussi à faire passer, seulement en 1943. Donc, ils ne pouvaient pas, si les Soviétiques arrivaient, perdre encore 3 ou 4 ans à essayer de constituer une résistance. Et d'autant plus que les planificateurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient remarqué que la résistance faisait des coups, mais c'était jamais des coups qui étaient en support de l'action des Alliés. Donc, il fallait permettre de créer des réseaux de résistance qui pouvaient communiquer avec le gouvernement en exil et faire des actions coordonnées avec l'effort des Alliés. Oui, parce que là, il y a l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, vous l'expliquez très bien, c'est extrêmement clair, il se met en place tous ces réseaux d'espionnage. Justement, dans la définition même de ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, sur France Culture, ces espions de la guerre froide, nous avons évoqué l'action secrète, mais nous la comprenons bien, l'action secrète, il y a des choses qu'il ne faut pas divulguer. D'accord. Il y a l'action clandestine, c'est autre chose ça, il faut faire un distinguo, Pauline Blisten. Je voulais simplement revenir sur ce que vient de dire Gérald Darbois. Alain de Werp, hein, l'historien bien connu, malheureusement décédé aujourd'hui, parlait pour justement décrire ce grand mouvement d'institutionnalisation du secret, d'étatisation de la dissimulation. Et cette étatisation de la dissimulation, c'est donc ce mouvement qui court du 19e au 20e siècle. Et donc finalement, si la Seconde Guerre mondiale, et surtout l'après-Seconde Guerre mondiale avec la menace soviétique, fait naître des nouveaux besoins, et notamment besoins qui vont être traduits par la création de nouvelles agences de renseignement comme la CIA en 1947, on voit bien que l'on a affaire à un grand mouvement d'institutionnalisation de pratiques secrètes qui ont cours depuis plusieurs siècles. Alors pour la distinction entre les activités secrètes et les activités clandestines, il est toujours très difficile de s'emparer de ces termes sans faire de simplification. Puisque les mots ne veulent pas dire la même chose en fonction des langues que l'on utilise. Mais pour ce qui est du français, je dirais que l'action secrète, elle renvoie à la double racine du mot latin, secretus, ce qui est séparé, ce qui est sans témoin, et kernere, qui est finalement l'action de mettre à part, l'action de distinguer. La clandestinité, ou en tout cas l'action clandestine telle qu'on l'entend en France, de façon très simple, c'est cette action illégale qui est conduite par un État et qui surtout est non revendiquée. Non revendiquée, cela veut dire que elle s'effectue dans les limites du déni plausible. Et donc finalement, le secret est une condition de la clandestinité, ou en tout cas de ces actions clandestines. Alors évidemment, je pense qu'il faut aussi tempérer cette notion d'action clandestine, puisque certaines actions clandestines qui sont commises par des États aujourd'hui tels que la Russie, on pense notamment aux actions clandestines sur le net, on voit bien qu'elles sont non revendiquées, qu'elles sont a priori dans les limites du déni plausible. Toutefois, tout le monde sait ce que la Russie fait sur Internet. On a le rapport Mueller qui nous a bien explicité justement quel avait été le degré d'implication de la Russie dans les tentatives d'interférence des élections présidentielles américaines. Et donc finalement, cette action clandestine devient paradoxalement un instrument de puissance et la visibilité de cette action clandestine ou la possibilité de se dire que finalement la Russie a ces moyens-là devient un instrument de puissance, quand bien même elle devrait normalement se limiter au déni plausible. Oui, parce que dès qu'il est question d'espionnage, et nous le sentons bien sur toutes les réflexions, quelle que soit la période étudiée, nous touchons quelque chose d'extrêmement divers. Gérald Arbois, il n'y a pas un profil type d'espion. Il n'y a pas une mission d'espion. Certains sont espions à un moment extrêmement précis. Alors, je dis espion, agent secret, à un moment extrêmement précis. D'autres font leur carrière. C'est extrêmement divers comme monde. Ça dépend la fonction, ça dépend l'époque, ça dépend le moment. Il est clair que être un agent de renseignement pendant une guerre sera différent d'être agent de renseignement en temps de paix. Être agent de renseignement au XVIIIe siècle sera différent, et pas uniquement en question de moyens, d'un agent de renseignement au XXe. En fait, tout dépend de la demande de l'État. Si l'État a besoin d'une information précise, d'un objet précis, il va demander à ses services de le faire. Et là, on va déclencher une opération clandestine. Tout ça va être couvert par le secret, parce que on ne doit pas savoir qui l'a fait et on ne doit pas savoir comment on l'a fait. Oui. Et c'est surtout ça qui fait que une affaire doit rester secrète. C'est pour protéger les méthodes et les acteurs. Allez-y, Pauline Blisten. Non, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de ces actions clandestines. Alors, je prenais quelques précautions tout à l'heure, puisque en anglais, on parle de covert ou de clandestine operations. Ça ne veut pas exactement dire la même chose. Mais bon, encore une fois, je pense que si on parle d'actions clandestines, on peut aussi bien penser au fait de fournir des armes à des groupes rebelles, donc au soutien de groupes rebelles, au renversement de certains régimes qui ont eu quand même beaucoup cours pendant la période qui nous intéresse de la guerre froide. Mais on peut aussi penser aux activités aujourd'hui en ligne, puisque la clandestinité s'est déplacée dans l'espace cyber. Oui, parce que il y a cet univers aussi de la guerre froide qui est lié à la technologie. Et ça, c'est quelque chose, toujours dans cette recherche de spécificité de l'espionnage pendant la guerre froide, tout ce qui concerne cette haute technologie. L'avion américain a été abattu au-dessus de la région de Sverdlovsk, dans l'Oural, à plus de 2000 km de la frontière méridionale de l'URSS. Allô, Moscou ? À bande magnétique dont était équipé l'avion, et en développant le film, on a pu notamment voir des photos d'aérodromes soviétiques avec leurs chasseurs, des usines et d'autres objectifs. Enfin, M. Khrushchev annonça que le pilote de l'avion était sain et sauf et qu'il se trouvait même à Moscou. Le pilote, au moment de son arrestation, avait sur lui 3 montres en or, 6 alliances de femmes, 7500 roubles, des francs en or, dont des Napoléons, des lires, des Deutsche Mark, etc., ainsi qu'un revolver silencieux et une seringue avec du poison pour se tuer s'il était pris pendant sa mission. Bref, tout l'arsenal qu'un homme investi de mission spéciale peut avoir sur lui. Allô Moscou, voyez, on est là en train d'écouter Paris vous parle le 7 mai 1960 et évidemment notre imaginaire est sollicité, un avion américain abattu par l'URSS. Gérard Albois, c'est vraiment ces moments très particuliers qui ponctuent l'histoire de la guerre froide, ces crises diplomatiques, et ici c'est un avion. Oui, parce que au niveau technique, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que on est dans un contexte bien particulier. On est face à une société fermée et une société qui est policée, l'Union soviétique. Donc, on a essayé d'envoyer des agents, on a essayé de recruter des agents sur place. À chaque fois, la durée de vie était très limitée. Et de fait, on est passé à des moyens de voir plus haut, histoire de pas être attrapé. Donc, on a fait le U-2, ensuite, puisque le U-2 a été abattu, on a fait le SR-71 qui a duré jusque dans les années 90. Mais surtout, on va passer au satellite. Parce que le satellite, on ne peut pas l'abattre. Encore que maintenant, on voit qu'on peut aller bricoler et on peut les abattre. Mais là, on est sur une conséquence de ce moyen de surveillance mis dans l'espace. Pauline Blisten. On est vraiment, à ce moment-là, je dirais, à presque la fin de ce qu'on appelle souvent l'âge d'or du secret ou de l'action clandestine de la CIA, qui va se terminer sur le désastre de la baie des cochons. Donc à l'époque, Alan Dulles, le premier directeur de la CIA, est encore en poste, mais le scandale du U2 va le forcer à quitter ses fonctions. Ce qui est intéressant aussi, et le lien avec la fiction se fait avec Alan Dulles, puisque c'était un grand ami de Ian Fleming, le créateur de James Bond. Et donc, déjà, on voit dès le début de la CIA, dès 1947, je l'ai rappelé tout à l'heure, ces liens avec Hollywood, puis des amitiés interpersonnelles qui vont faire que finalement la fiction va avoir un effet retour sur le monde du secret, puisqu'il semblerait que la CIA se serait aussi inspirée de certaines des inventions d'Ian Fleming pour essayer de développer des moyens technologiques auxquels il n'avait pas pensé. Oui, parce que dans ces grands moments de la guerre froide, mais ceux que nous connaissons, oui, il y a la baie des cochons à Cuba en 1961, puis la crise de Cuba l'année suivante, et puis il y a tout ce qui concerne, alors, les gadgets, c'est l'électromagnétisme, c'est l'écoute, parce que Gérald Harbois, les agents de renseignement de la guerre froide bénéficient de moyens techniques d'écoute nouveaux. Alors ça, c'est formidable pour un agent, mais nous avons tous rêvé de pouvoir voir à travers les murs et d'écouter à distance. C'est possible. Là, on est dans le domaine du gadget, on est dans le domaine du cinéma. Alors, je vais vous le dire de manière plus concrète, mais les micros existent, ça n'existait pas auparavant. Non, mais la sonorisation d'une pièce date d'avant la guerre froide. Là, c'est l'apport technologique qui permet, en fait, de faire quelque chose. Pendant l'affaire Dreyfus, donc dans les années 1890, on avait installé un appareil de photo en face de l'ambassade d'Allemagne pour photographier tous ceux qui entraient ou sortaient de l'ambassade. Donc on a une activité de renseignement qui utilise les moyens technologiques du moment où les opérations vont avoir lieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'actions dans le cyberespace, parce que tout le monde a un ordinateur, pourquoi pas eux ? Oui, voilà, c'est ça, tout simplement, pourquoi pas eux ? Mais alors, dès lors, Pauline Blisten, mais quel régal pour les scénaristes ! Oui, non, tout à fait. Et c'est là que cela devient absolument passionnant, puisque on peut s'intéresser ou s'étonner de la proximité entre le dispositif cinématographique et certains des moyens ou outils employés par les agences de renseignement pour certaines activités d'espionnage. Le fait de filmer, de prendre des photos, le fait d'écouter. Et c'est vrai que finalement, le passage de l'un à l'autre a été exploré aussi par certains auteurs de fiction, comme John le Carré, qui fait paraître en 1983 ce roman qui s'appelle La petite fille au tambour, dans lequel il raconte l'histoire d'une actrice de théâtre britannique qui se fait recruter par le Mossad, puisqu'elle elle seule a la capacité d'endosser ce rôle comme le ferait finalement une comédienne de théâtre, et elle arrive à infiltrer les milieux terroristes palestiniens. Et dans tout ce roman, finalement, se noue et se joue cette question de la proximité entre le dispositif fictionnel et le dispositif de l'espionnage. Oui, parce que dans la narration autour de ce monde très particulier du renseignement, plusieurs voix peuvent être adoptées. Il y a James Bond, où le curseur est poussé très loin dans l'exagération. Et puis après, il y a d'autres modes de narration. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus proches de la réalité, ils sont différents en tout cas. Bonjour. Alors, je vois que vous avez tous devant vous un formulaire à remplir. C'est ce qu'on appelle ici le formulaire d'enterrement. Il y a une question dans ce formulaire qui est « Souhaitez-vous être agent clandestin ?» avec une toute petite case à cocher à côté. Si vous cochez la case, la première des conséquences, c'est que vous allez rester ici à Mortier pendant au moins un an et demi. Parce que si vous souhaitez un jour être agent clandestin, pendant tout le temps qui vous sépare d'une éventuelle mission, vous ne devez pas vous exposer. Pas voyager, pas aller sur le terrain. On vous garde au chaud ici. Quand tous les autres partent à l'aventure et vivent plein d'expériences différentes, vous, on fait tout pour que vous restiez vierge. Bref, on vous enterre. Et ceci afin qu'un jour, vous soyez les poissons pilotes de la DGSE. C'est-à-dire ceux qui auront comme mission de repérer à l'étranger les traîtres potentiels. Être agent clandestin, c'est partir à l'étranger pendant plusieurs années, sous IF, identité fictive. On dit aussi sous légende. Un extrait du Bureau des légendes qui évoque la DGSE, les services de renseignement français. Dites-nous, Pauline Blisten, vous êtes l'auteur d'un podcast, hein, Une vie sous légende, justement, une immersion dans ce Bureau des légendes. C'est quoi le Bureau des légendes déjà, cette création ? Alors, le Bureau des légendes, c'est une création d'Éric Rochant qui sort en 2015 et qui est une série qui propose une plongée dans l'univers de la clandestinité humaine de la DGSE, qui est le service de renseignement extérieur de la France. Et ce qui est très très spécifique au Bureau des légendes, c'est que finalement, c'est la première série qui reçoit le soutien officiel de la DGSE, une institution qui était connue jusqu'alors pour son opacité. Alors, ce n'est pas la première fois que la DGSE collabore à un projet cinématographique, mais en tout cas, c'est la première fois qu'elle le revendique et qu'elle utilise vraiment cette série comme un outil de communication. Alors, la série nous plonge donc dans cet univers de la clandestinité humaine qui est bien décrit ici par Sarah Giraudeau. Ce sont donc des opérationnels de la DGSE qui sont envoyés à l'étranger sous identité fictive, ou ce qu'on appelle de la clandestinité lourde. Ils vont passer plusieurs années sous identité fictive. Bon, la première entorse au réalisme, en général, c'est pas plusieurs années, parce que ce serait proprement intenable. Mais ce qui est absolument passionnant, finalement, avec le Bureau des légendes, c'est la façon dont cette série s'est invitée dans le débat public sur les questions de renseignement, puisque, hasard du calendrier, la série sort entre les attentats de Charlie Hebdo et les attentats de novembre 2015, et elle devient l'un des points de compréhension de ce qu'est le renseignement français aujourd'hui. Et on voit à quel point on peut vraiment faire cet historique du débat public, à quel point le Bureau des légendes gagne en importance dans la psyché collective à mesure que les questions de renseignement deviennent de plus en plus prégnantes dans l'espace public. Mais des questions de renseignement qui suivent notre histoire. Et c'est vrai que dans ces moments de tension internationale, le renseignement est omniprésent. Justement, Gérald Arbois, sur ce Bureau des légendes tel qu'il est construit, tel qu'il évoque les services de renseignement d'aujourd'hui, trouvons-nous un écho de ce qui se passait durant la guerre froide avec ces, alors je ne sais pas comment on dit, mais ces gens sous couverture, ces agents dissimulés à l'étranger, parce que cela aussi, c'est une matière que nous connaissons bien par la fiction, mais quelle en est la réalité ? Est-ce plutôt un fantasme ? Non, ce n'était pas un fantasme. Je vais vous raconter une anecdote. En 1990-91, donc à la fin de la guerre froide, arrive à Mortier, alors pas du côté qui est filmé dans le Bureau des légendes, mais de l'autre côté. Donc Mortier, c'est le siège de la DGSE. Voilà. Deux petits vieux qui viennent frapper à la porte. C'est un grand portail en fer. Donc on leur demande ce qu'ils veulent. Et en fait, c'était deux agents français qui avaient été envoyés en Allemagne de l'Est avant 61 et qui, au moment où ils ont construit le mur de Berlin, n'ont pas pu revenir, n'ont pas pu repasser de l'autre côté. Donc ils ont vécu leur vie d'Allemands de l'Est. Et quand le mur de Berlin est tombé, ils sont rentrés à la maison, mais on ne les connaissait plus parce que leurs officiers traitants étaient partis en retraite ou étaient morts. C'est fou, ça veut dire que depuis les années 60, ils avaient eux-mêmes gardé l'idée... Ah, ils étaient en clandé depuis les années 60. Et ils n'ont rien fait, en vérité, ils n'ont rien pu envoyer. C'est bêta-sou parce qu'ils avaient un super collègue de ce temps-là, parce que c'est le héros des agents français, c'est OSS 117. Nous tenions à vous parler tranquillement, double 1-7. Non, en réalité, on dit 117. France Culture. Êtes-vous disposé à travailler avec le Mossad ? Le Mossad, les services secrets israéliens. Le cours de l'histoire. Dame, rechercher un nazi avec des juifs, quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc ? Mais enfin, il va la reconnaître. Comment ça ? Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Xavier Mauduit. Attendez, je n'ai rien dit de... Vous êtes bien au C-117, le meilleur agent français. Oui. Enfin... Le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Déjà. OSS 117, Jean Dujardin, Rio ne répond plus, c'est le film de Michel Hazanavicius. Pauline Blisten, avec OSS 117, nous avons la construction tardive d'un agent secret français durant la guerre froide. Là aussi, c'est presque une synthèse de tous les extrêmes, alors plutôt du côté de l'humour, mais dans la narration de l'espion, nous l'avons dit, James Bond, on pousse loin vers le trop de tout. OSS 117, version tardive, mais c'est pareil, c'est formidable et c'est génial. Y a-t-il une narration au plus proche de la réalité ? Alors, je pense que si on peut faire une distinction entre James Bond et OSS 117, je dirais que le trop James Bondien, c'est le glamour, alors que le trop OSS 117, c'est plutôt le côté grand guignolesque. Et justement, la fiction d'espionnage française était plus connue pour cela, hein, pour ce côté roman de gare, alors raciste, hein, on entend bien les réflexions antisémites de Jean Dujardin, misogyne, enfin, tout y passe. Et donc, c'est vrai que en regard de cette fiction grand guignolesque, le Bureau des légendes apparaît tout d'un coup comme une nouvelle manière d'approcher à la fois l'espion français et aussi l'univers du renseignement comme une façon complètement démythifiée, un peu froide. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant ma thèse, je suis allée parler à plusieurs personnes qui travaillent à la DGSE et finalement, ils m'ont expliqué à quel point ils ne se reconnaissaient pas ni dans OSS 117, mais pas non plus dans le Bureau des légendes, puisqu'il y avait un côté peut-être un peu trop chuchotant, un peu trop sérieux. Et l'autre référence qui revenait régulièrement dans les conversations, c'est une série qui s'appelle Au service de la France, qui moque les travers bureaucratiques, pour le coup, avec un petit peu quand même d'OSS 117 dedans. Et donc c'est vrai que finalement, si le Bureau des légendes apparaît comme extrêmement réaliste, puisque c'est un des arguments de vente hein, aussi de la série, qui a été régulièrement mis en avant par l'équipe de la série. Finalement, bon, on n'apprend pas grand-chose sur ce que font réellement les espions de la DGSE, et c'est tant mieux. Oui, c'est vrai que c'est tant mieux, parce que ça doit rester secret au service de la France. France Culture. Qui n'est pas le sujet, messieurs ? Nous ne sommes pas là pour dire qui a commencé, ni pour désigner un coupable. Le cours de l'histoire. Alors oui, on sait qu'il y a des tensions. Xavier Mauduit. Chacun a sûrement sa part de responsabilité. Et la France veut simplement apaiser la situation, comme elle le fait toujours. Parce que franchement, ça sert à quoi de se lancer des bombes si on n'est plus là après pour savoir qui a gagné ? Alors on arrête de se chamailler, on range les coupes-coupes et on essaie de passer de la guerre froide à la guerre tiède. Au service de la France, la série. Gérald Arbois, justement, dont on arrête de sortir les coupes-coupes, et puis peut-être que l'on prend du papier, une machine à écrire, et puis on fait énormément de paperasse, au-delà de OSS 117 dans l'humour de James Bond, dans le trop, mais trop d'action, les services de renseignement, c'est extrêmement bureaucratique. Oh, c'est encore plus bureaucratique que vous ne pouvez le penser. L'affaire Greenpeace, tout le monde la connaît, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a un élément qui n'a jamais été mis en avant, c'est pourquoi les Épouturanges, donc l'équipe de coordination qui était en Nouvelle-Zélande, se sont fait arrêter. Et pourquoi est-ce que la police néo-zélandaise a tiqué et n'a pas cru les légendes des deux agents ? Bah, tout simplement parce que ils se sont retrouvés avec une pile énorme de factures, de tickets de carte bleue, de relevés de dépenses. Tout cela parce que Mortier demande, et demande encore aujourd'hui, que toutes les dépenses qui sont faites en mission soient prouvées pour pouvoir rembourser les notes de frais. Les notes de frais. Oui, c'est bon ça. Ah oui, c'est sûr que quand on est agent secret sous couverture, qu'il ne faut pas être identifié, c'est vrai que cumuler toutes ces notes de frais, c'est pas l'idéal. Pauline Blisten. Oui, c'est vrai que les espions font aussi des notes de frais. Ils ont aussi un comité d'entreprise. Et c'est vrai que ce qui a frappé quand le Bureau des légendes est arrivé sur les écrans français, c'est ces scènes de cantine qui ressemblaient finalement à tout univers de bureaux hein, que chacun peut, enfin dont chacun peut faire l'expérience. Et ce qui, à mon avis, a favorisé aussi l'identification au personnage, puisque même si c'est un milieu qui est très éloigné du quotidien de tout un chacun, on reconnaissait quand même les carottes râpées sur les plateaux repas. Et ce qui est intéressant avec cet univers de la bureaucratie, c'est que finalement, il a été traité très différemment selon qu'on s'intéresse à la fiction britannique ou française. Alors, on vient d'entendre un extrait d'Au service de la France. Il y a tous ces extraits aussi où l'on entend cette secrétaire tamponner, puisque le tampon est toujours le passe-droit de l'espion français. Mais en Angleterre, cet univers bureaucratique, il a été décrit avec beaucoup de noirceur, avec beaucoup de froideur, par notamment John le Carré, mais aussi Len Deighton, où finalement on se rend compte que cet univers bureaucratique, eh bien, on s'y perd, on perd aussi le sens de sa mission. Cet univers bureaucratique, il est comme tout univers bureaucratique, c'est-à-dire le lieu de petites luttes mesquines, d'enjeux de pouvoir. Et finalement, ces lourdeurs bureaucratiques, elles sont bien plus présentes dans la fiction de John le Carré ou de Len Deighton que dans la fiction française où l'on ne voit que les carottes râpées. C'est très bien, les carottes râpées, ça rend aimable. Gérald Arbois, dans vos travaux sur les services de renseignement, vous avez une vision de ce qui se passe, alors au plus près du réel, avec toujours cette difficulté du secret. Vous êtes l'auteur des services secrets pour la France, du dépôt de la guerre à la DGSE de 1856 à 2013. Et bien justement, si nous inversons un peu la réflexion, vous connaissez bien les services de renseignement, quelle fiction vous laisse dire que voilà, ici nous sommes au plus proche de ce qui pouvait être des services de renseignement? Est-ce d'ailleurs possible de narrer les services de renseignement? Bon, il est toujours possible de narrer les services de renseignement. Le problème, c'est que beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés sur les services, que ce soit en France, que ce soit à la fin des années 70, ou que ce soit dans cette période-ci, on a toujours des gens qui ont un grief vis-à-vis de la boîte, vis-à-vis de la DGSE, de publier. Donc, dans les années 80, ce qui était intéressant, c'est que certains, et ça c'était un travers du SDEC, donc l'ancêtre de la DGSE, les gens, quand ils partaient avec leurs dossiers, notamment des affaires qui étaient secrètes et dont on ne voulait pas que le successeur soit au courant. Et les enfants ou les petits-enfants souvent retrouvaient ces documents et les passaient à des journalistes qui faisaient des publications qui n'étaient pas inintéressantes. Mais aujourd'hui qu'on peut avoir accès aux archives, on voit qu'il manque le détail. Et quand on est sur une affaire clandestine et que le détail manque, en fait, c'est tout l'objectif de la mission qui passe à côté. Après, pour avoir une vision de l'intérieur et une vision qui soit réelle, le problème, c'est que je la trouve hyper soporifique, c'est la taupe de John le Carré, d'après John le Carré. Alors, c'est aussi dur à lire qu'à regarder, mais c'est réellement ce qui se passe à l'intérieur des services. La taupe. Vous, Pauline Blisten, qui connaissez bien, vous, et la fiction, évidemment, la réception de tous ces films de renseignement. Qu'est-ce qu'il faut regarder, d'ailleurs, pour se dire, tiens, ça, c'est pas mal, ça? Alors, il y a une série qui est très peu connue, qui s'appelle Rubicon, qui est sortie en 2010 sur la chaîne américaine AMC, qui a été arrêtée au bout d'une saison, puisque assez ennuyeuse, justement. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'elle ne nous montre pas une agence de renseignement en soi, puisqu'il s'agit d'un contracteur. Vous savez qu'une partie des activités de renseignement aux États-Unis sont externalisées à des boîtes privées. Et donc, ce contracteur, en fait, nous montre quand même ce que fait au quotidien un analyste de renseignement. Et on a en fait une idée assez claire à la fois de la manière dont sont produits les renseignements, cette information certifiée qui est reprise de manière clandestine, mais aussi les dilemmes moraux auxquels ces analystes peuvent être confrontés quand ils sont chargés de conseiller le décideur politico-militaire. Donc je vous recommande cette série et de tenir bon jusqu'à la fin, puisqu'il y a vraiment quelque chose du monde du renseignement que l'on ne voit pas ailleurs. Oui, c'est ça. Il y a ce côté tenir bon. C'est-à-dire que l'écart est assez gigantesque entre la réalité bureaucratique, vous nous l'avez dit, Gérald Arbois, et puis la fiction. Et au-delà de toutes ces réflexions sur ces fonctionnements qui sont extrêmement difficiles à saisir, comment, historien, travaille-t-on sur des services secrets? Vous nous avez parlé des archives. Il y a des archives, mais évidemment, si certaines peuvent être communicables, j'imagine que tout est expurgé, nettoyé, surveillé. Là, encore une fois, on parle de périodes différentes. Il est clair que trouver des archives sur les 20 ou 30 dernières années, c'est illusoire. Pour la guerre froide. Pour la guerre froide, on a des données. Les archives de que la DGSE a sorties, elle les a données au service historique de la défense en 2000. Elles n'ont été accessibles qu'en 2013. Et encore, elles portent sur la Seconde Guerre mondiale et pas sur la guerre froide. Donc ces questions-là, on ne peut pas les trouver. Par contre, l'historien a cette capacité, c'est celle d'inventer ses sources, c'est-à-dire d'aller chercher des sources là où on ne pense pas en trouver. Et là où on en trouve, ce sont dans les archives de la CIA, qui pour une bonne partie sont en ligne, et quand elles ne sont pas en ligne, on peut écrire à la CIA pour leur demander d'avoir tel ou tel document. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent ils vous répondent, la plupart du temps ils vous renvoient des documents, mais vous allez vous retrouver avec une feuille blanche. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte a disparu, mais il y a tous les cachets autour, donc toute la circulation administrative, et il y a l'objet du courrier. Donc pour l'historien, c'est une matière importante. Les Britanniques mettent des dossiers également en ligne, et avec le Covid, ils les mettent gratuitement. Il suffit d'être inscrit sur le site des archives nationales britanniques pour pouvoir avoir accès à des dossiers du MI5, alors pas des dossiers opérationnels. Ensuite, il y a tous les journalistes qui ont écrit, et tout ça, ça nous donne quelque chose de très important. Et là, on se retrouve dans la posture de l'analyste d'un service de renseignement, parce qu'il faut qu'on fasse notre grain et qu'ensuite on le diffuse. C'est ça, l'historien, l'historienne, c'est l'enquêteur, c'est l'enquêtrice. Pauline Blisten. Oui, en fait, les débats en historiographie assez classiques se posent de façon encore plus criante quand on fait l'histoire du renseignement, étant donné le matériau brut. Des grands historiens anglais comme Richard Aldrich ont souligné la nature problématique de certaines des archives et la nécessaire mise en doute de l'origine de certaines des archives, puisqu'elles pourraient être aussi fabriquées ou placées là à dessein. Et donc finalement, on voit émerger aujourd'hui des débats en historiographie absolument passionnants sur le rôle de la fiction, qui sont inspirés de Hayden White notamment, et la manière dont la fiction peut permettre de combler les trous ou justement de questionner la soi-disant véracité de ces archives qui nous servent de matériaux pour reconstituer l'histoire des services. Et la fiction, ça rassure le public, parce que quand tout est secret, eh bien on a l'impression de comprendre, et vous nous avez donné suffisamment de pistes pour aller plus loin. Gérald Arbois, merci beaucoup. Je rappelle, des services secrets pour la France, du dépôt de la guerre à la DGSE, et puis tous vos ouvrages, mais c'est sur le site du cours de l'histoire, franceculture.fr. Et merci beaucoup Pauline Blisten, le podcast Espion, une vie sous légende. Mais voici une autre légende maintenant dans le cours de l'histoire, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Le soulèvement populaire contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte fut-il une jacquerie? Depuis 2015, au début du mois de décembre, a lieu à Clamecy le festival Résistance. L'événement historique qui a motivé cette initiative, c'est le soulèvement de la population locale contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, dont nous commémorons cette année le 170e anniversaire. Clamecy est une petite bourgade de la Nièvre qui compte aujourd'hui 3800 habitants environ. C'est dans cette ville qu'est né Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915, et l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg. En 1848, la population avait accueilli avec enthousiasme la révolution de février, qui avait débouché sur l'avènement de la Deuxième République. Le nouveau régime était soutenu par une bonne partie de la bourgeoisie locale, mais surtout par les milieux populaires. à Clamcy, les flotteurs, qui conduisaient par la voie fluviale le bois du Morvan jusqu'à Paris, animaient, avec les artisans, la frange d'extrême gauche du Parti républicain qu'on appelait les Démoc-Soc. Les petits paysans qui vivaient dans les villages de la région souffraient quant à eux du manque de terres, ce qui les contraignait à accepter les conditions draconiennes des contrats de métayage imposés par les grands propriétaires fonciers. Ceux qui espéraient l'avènement d'une république des petits furent rapidement déçus, puisque c'est une majorité conservatrice qui remporta les élections législatives. La répression sanglante des journées de juin 48 mit fin aux derniers espoirs. Le coup d'État du 2 décembre 1851, qui déboucha un an plus tard sur l'avènement du Second Empire, fut l'aboutissement de ce processus répressif. Le sud-est de la France, ainsi que plusieurs départements du sud-ouest et du centre, furent les principaux foyers de la résistance républicaine. À Clamcy, la nouvelle du coup d'État provoqua une manifestation spontanée de 800 personnes pour libérer 11 militants républicains détenus dans la prison de la ville. Le premier affrontement avec les gendarmes fit plusieurs morts, mais le mouvement bascula dans la violence de masse lorsque des milliers de paysans venus des villages voisins occupèrent la ville armés de fusils et de fourches. Malgré les efforts des militants républicains pour tenter de calmer les esprits, cette foule enragée sema la terreur en massacrant notamment un gendarme. La plupart de ces paysans s'enfuirent lorsque la troupe arriva sur les lieux pour occuper la ville. La répression frappa sans discernement tous ceux qui avaient participé à ce mouvement visant à défendre la République. 500 inculpés furent déportés en Algérie et à Cayenne. 7 autres furent condamnés à mort et 2 d'entre eux furent guillotinés à Clamcy sous les yeux de la population. Le duc de Morny, le ministre de l'Intérieur qui fut responsable de cette répression, la justifia en présentant la résistance républicaine comme une jacquerie. Ce terme, inventé par les élites lettrées du Moyen-Âge pour disqualifier les révoltes populaires, a ressurgi en 2019 pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Dans un contexte heureusement beaucoup moins tragique qu'en décembre 1851, les exactions commises par quelques excités qui brisèrent des vitrines sur les Champs-Élysées servirent à nouveau de prétexte pour dénoncer et réprimer un mouvement social qui réclamait lui aussi l'avènement d'une république des petits. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Vudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, Sophie, Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture.